Nyangi. Bonsoir, chers auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro. Bienvenue à l'écoute de cette dernière édition comptant pour ce 2 septembre. Et en voici les grandes articulations. Commémoration ce dimanche du 22e anniversaire des massacres de Wugendana. L'association des rescapés déplore les conditions de vie dans le site des déplacés de Wugendana. Aussitôt après la mise en place de la nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante, le parti UPRONA dit l'avoir bien accueilli et leur demande de travailler mieux que l'équipe sortante. Grogne de certains habitants du centre urbain de Matana qui doivent exhiber une quittance de leur contribution aux élections de 2020. L'administration communale dit n'avoir pas enregistré de plainte. Au moins 6 morts et une quinzaine de blessés sont à déplorer dans un nouvel attentat à Mogadiscio perpétré ce dimanche. Vous entendrez les détails dans cette édition qui sera clôturée par la chronique Nutrition. La mise en onde est assurée par Aimé Toussaint Mitewouti. Bonsoir et bienvenue. La radio de l'avenir. Page politique pour débuter ce journal. Le parti UPRONA dit avoir bien accueilli la mise en place de la nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le porte-parole de ce parti indique que différentes formations politiques et la société civile sont représentées. Olivier Nkurunziza demande cependant aux membres de la nouvelle équipe d'enlever leur cachet politique et travailler en toute transparence et de bien préparer les échéances électorales prochaines pour que les résultats soit accepté par la communauté tant nationale qu'internationale. Suivez Olivier Nkurunziza au téléphone avec Évariste Nzikobanyang. Au niveau du parti UPRONA, nous sommes d'abord satisfaits parce que l'équipe de la CENI, qui était depuis 2015, c'est une équipe qui avait déjà terminé son mandat et on avait même prolongé de 3 mois. Alors, penser à mettre une équipe, c'est très bien pour les Burundais, pour le parti UPRONA. D'abord, à la composition, c'est une équipe qui est composée par les différentes ethnies, mais aussi les gens, les hommes et les femmes sont là. Mais tenant compte de la composition politique ici au Burundi, vous savez, nous avons constaté qu'il y a les partis politiques, même l'UPRONA a les membres dans cette équipe, mais aussi les indépendants. Nous avons vu qu'il y a un membre dans l'équipe de la CENI, même le parti au pouvoir. Mais ce que nous constatons est qu'au Burundi, il y a plus de 30 partis politiques qui sont ici au Burundi. Ils ne sont pas tous représentés dans cette équipe. Alors, nous demandons à cette équipe de travailler et d'enlever le chapeau de différents partis politiques qu'ils représentent et d'être indépendants et préparer les élections libres, transparentes et dans l'équité pour que tout toutes les couches, toutes les tendances politiques qui sont ici au Burundi soient satisfaits. Et nous leur demandons de travailler mieux que l'équipe de la CENI précédente. Vous voudrez bien nous excuser de la qualité sonore de cet élément du côté du parti Emerseru Nzangemero. On est contre la mise en place de cette nouvelle équipe. Juvenal Ngogwanubusa, président de ce parti, indique que les membres de son parti n'attendent pas grand-chose de cette CENI qui, selon lui, n'a pas été consensuelle. Suivez. Il y a un adage qui dit que ce qui est fait pour moi, sans moi et contre moi. Il se fait que nous n'avons pas été consultés pour la mise en place de cette CENI. D'autre part, toutes les questions liées aux élections, en l'occurrence la composition de la CENI, étaient sur la table du dialogue d'Arusha. Et même dans le résumé du facilitateur, l'ex-président Mukapa avait clairement dit que sur les points de convergence, il y avait la composition de la CENI qui devait s'ouvrir à l'opposition, en incluant même d'autres partenaires. Ce qui sous-entendait d'ailleurs qu'on pouvait même mettre des personnalités étrangères dans cette CENI. Alors, puisque cette question est encore sous discussion et que par un forcing habituel, on vient de nommer d'autres membres de la CENI, Emerseru Nzangemero souhaite qu'il y ait un débat sur la composition de cette CENI pour que nous ayons une CENI consensuelle afin que l'élection puisse être crédible. Donc, si l'équipe reste ainsi, vous n'attendez rien à elle? Cette équipe n'est pas consensuelle. Il faut qu'on s'entende sur une équipe consensuelle. C'est là qu'on va attendre quelque chose. Sinon, pour le moment, c'est vicié d'office. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Justice transitionnelle à présent, commémoration ce dimanche du 22e anniversaire des massacres du site de Wugendana en province Gitega. Au sein de l'association Algebo qui regroupe les survivants et les membres des familles des victimes de ces massacres, l'on indique que le thème de cette année se rapporte aux conditions de vie des habitants de ce site de Wugendana. Chiza Melkiad, président AI de l'Algebo, demande au gouvernement de leur octroyer définitivement les parcelles occupées par les survivants. Suivez-le au micro de Charles Makoto. Le message est que pour cette année, nous allons penser surtout sur la vie des survivants au camp des déplacés de Wugendana. Les survivants de cette tuerie de 1996 sont au camp des déplacés de Wugendana. Là, ils vivent vraiment dans de terribles conditions. Donc, nous plaidons pour eux, afin qu'aussi aient une vie, je dirais, comme ces deux autres qui vivent dans leur foyer. Aujourd'hui, ces survivants sont dans le camp des déplacés, des propriétés qui ne leur appartiennent pas. Concrètement, qu'est-ce que vous demandez? Ce sont des parcelles de l'État. Et ces gens-là sont implantés sur ces lieux par l'administration communale. C'est cette administration communale de Wugendana qui devrait penser à l'avenir. Par exemple, les camps de déplacés d'Outerere, Vumvu à Bubanza, ou bien à Karuzi, la situation s'est terminée. Ils sont là, l'administration communale les a attribués des parcelles. Ils vivent comme d'autres citoyens. Par rapport à la question de justice, est-ce que à Wugendana, vous avez saisi la justice? Qu'en est-il aujourd'hui? L'association Aljebou, c'est une association qui est né après les massacres en 2010. Et c'est la commission civile qui devrait d'abord mettre au courant de ce qui s'est passé à Wugendana ou bien dans d'autres localités du pays, mais aussi devrait nous donner la vraie vérité. Et nous attendons cette justice transitionnelle. Justement, par rapport à la CVR au mois de décembre, ça sera la fête de son mandat. Qu'est-ce que vous demandez, vous, en tant que membre de famille des victimes, pour que la vérité soit connue? Ça serait déplorable si le mandat de la CVR termine sans que les Burundais connaissent ce qui s'est passé dans leur passé. Il faut que la CVR ait des moyens nécessaires, sinon vraiment ça serait regrettable comme je viens de le dire. Page Société Certain, parmi les habitants de Matana qui fréquentent le marché du centre urbain de la place se lamentent qu'ils ne sont plus autorisés à fréquenter ce marché sans présenter une quittance sur laquelle est marqué qu'ils ont contribué pour les élections de 2020 et demandent que cela cesse, estimant qu'ils ont encore du temps pour accomplir leurs devoirs civiques. Les détails avec Jean-Pierre Misago. Selon certains habitants de Matana qui fréquentent le marché moderne du centre urbain de la place, l'entrée dans ce marché est conditionnée par la présentation d'une quittance qu'on a contribuée pour les élections de 2020 et cela depuis ce samedi. Des sources sur place indiquent que la situation était la même ce dimanche. Les victimes de cette situation ne comprennent pas ces agissements puisqu'ils estiment que la période d'une année pour s'acquitter de cette contribution n'a pas encore expiré et demande à l'administration de se pencher sur ce cas. Contacté afin qu'elle s'exprime sur cette situation, Agathe Ndouimana, administrateur communal de la commune Matana, estime que la situation dans sa commune est normale puisque personne n'est encore venu lui demander d'intervenir afin qu'elle puisse avoir accès au marché. Jean-Pierre Misago, depuis Bururi, Radio Isanganiro. Restons au sud du Burundi pour parler justice. Le directeur du lycée Rutana et le préfet des études sont dans les mains de la police judiciaire de Rutana. Depuis ce vendredi, la police à Rutana dit enquêter sur leur probable complicité dans le vol de 15 ordinateurs portables à leur école, alors que certaines personnes qui suivent de près ce dossier disent que le préfet des études a été réarrêté après sa relaxation. Des sources proches du commissariat de police à Rutana nient cet état de fait puisque des enquêtes sur ce dossier restent en cours. Rendons-nous cette fois-ci en province Moiro pour parler éducation. À l'approche du début de l'année scolaire 2018-2019, environ 800 orphelins et enfants vulnérables de la zone Nyakararo en commune Gisozi de cette province ont reçu ce vendredi une aide constituée de cahiers. Ces derniers ont été achetés grâce aux contributions des groupements de solidarité qui se trouvent sur les collines de cette zone. Les parents et l'administration communale convergent à dire que cela contribue à réduire le nombre d'abandons scolaires par manque de matériel scolaire, nous rapporte Laurent Dicourillo. Ils étaient à 792 orphelins et enfants vulnérables des six collines de la zone Nyakararo en commune Gisozi de la province Moaro à recevoir des cahiers au cours de la journée de ce vendredi. Parmi ces écoliers et élèves, 453 sont du primaire et ont reçu chacun 7 cahiers et 339 élèves du secondaire. Ces derniers ont eu chacun 9 cahiers. Ces cahiers ont été achetés avec des contributions de 52 groupements d'épargne et de crédit dits Nawinouze situés sur toutes les collines de cette zone. Certains de ces orphelins et enfants vulnérables affirment qu'avoir du matériel scolaire était en casse-tête suite aux conditions socio-économiques connues dans leur famille. Certains parents, de même que l'administration communale de Gisozi, affirment que de la sorte, le phénomène d'abandon scolaire par manque de matériel scolaire va diminuer. Selon Mignimane Jean Bosco, coordonnateur de ces groupements de solidarité dans cette zone de Nyakararo, les parents devraient être toujours près de ces enfants orphelins et enfants vulnérables pour qu'ils gardent l'estime de soi. Bernard Saïmana, représentant les gardes de l'association APDI, Association pour la protection et la promotion des droits de l'éducation des indigents, qui encadre ces groupements par des formations et conseils, dit que les leaders de ces groupements devraient être le flambeau de développement dans leur communauté. Ngourvé Claver, conseiller socioculturel du gouverneur de la province Moaro, demande à ces orphelins et enfants vulnérables qui ont reçu ces cahiers de toujours s'atteler aux activités scolaires afin d'être dans l'avenir utile à la communauté et à tout le pays entier. De Moaro, Laurent Dicourillo, Radio Isanganiro. Une brève sportive avant de laisser place à la chronique nutrition de ce dimanche. L'équipe féminine de basketball Bercostar et Newstar côté masculin viennent de remporter le championnat national qui donne accès au championnat de la zone 5. Izigouli Zanadej de l'équipe Bercostar a été meilleur joueur alors que Ghislaine Gakima a été la meilleure marqueuse. Radio Isanganiro, chronique nutrition. 100 grammes de viande est la quantité qu'il ne faut pas dépasser par jour. L'explication est d'Athanase Nyanogé, nutritionniste. Et la consommation d'une grande quantité de viande qui épuise certaines parties du corps comme le foie et le pancréas. Cet expert en nutrition dit également qu'avant de consommer une viande saignante, il faut tenir compte de la tranche d'âge dans laquelle la personne se trouve. Plus de détails, et c'est dans cette chronique nutrition signée Gertrude Maunayo. Dans la chronique nutrition du dimanche passé, Athanase Nyanogeye, nutritionniste, nous a parlé de la composition des viandes et les conséquences de leur consommation excessive sur la santé. Aujourd'hui, cet expert en nutrition nous parle de la quantité à ne pas dépasser où le chercheur montre qu'il faut prendre 1 gramme par kilogramme de poids à condition de ne pas dépasser 100 grammes de viande par repas. Et les chercheurs ont trouvé une référence pour les besoins en ce qui concerne les viandes de manière générale, c'est 1 gramme par kilo de poids. Si vous avez 70 kilos, 70 grammes par repas. Et les adultes qui dépassent 45 ans ne devraient pas dépasser une consommation en fait de 2 à 3 fois par semaine seulement. Disons que quand on arrondit jusqu'à 100 grammes, ce n'est pas exagéré, ça peut aller. Mais comme il n'est pas facile de mesurer chaque morceau de viande avant de le consommer, Athanase Nyanogeye précise qu'une brochette suffit et cela non pas d'une façon quotidienne. Alors, comment mesurer? C'est difficile de mesurer. Combien de brochettes? À mon avis, une brochette suffit. Sinon, vous surchargez l'organisme, et notamment le foie, l'estomac, la bile. Il y a une quantité qui est exigée. Quand vous ingérez une quantité supérieure à la normale, vous voyez que vous créez des problèmes. Les viandes laissent toujours des déchets. Quand c'est la consommation normale, ces déchets sont éliminés directement à l'aide des terrains lors des besoins différents, vous comprenez. Mais quand il y a une surconsommation, vous créez des problèmes, c'est-à-dire que vous surchargez notamment les reins et le foie. Alors, une brochette et deux, quand ça se fait quelques fois, ça peut encore se comprendre. Mais le faire régulièrement, là, vous provoquez des maladies parce que votre métabolisme est fortement perturbé. Ça veut dire qu'avec le temps, vous aurez des maladies. Quant aux personnes qui aiment consommer les brochettes, pas trop grillées, dites saignantes, cet expert explique qu'il faut choisir en tenant compte de sa tranche d'âge. Les jeunes, c'est-à-dire compris entre 15 et 16 ans et 35 ans. À 40 ans, on est mûr, les anticorps sont encore là, solides. Mais à partir de 45 ans et au-delà, n'a plus besoin de croître. Il a besoin d'être entretenu. Alors l'entretien nécessite des viandes grillées, mais moyennement, pas trop grillées. Et les viandes saignantes, donc, elles sont bonnes pour les jeunes. Jusqu'à 35 ans, ça passe. Mais au-delà de 45 ans, les viandes saignantes ne sont pas recommandées parce qu'elles provoquent automatiquement des maladies, surtout la goutte. L'expert en nutrition, Athanase Nianogeye, conseille de ne pas trop cuire la viande du fait que la cuisson prolongée provoque la perte du fer, qui est l'une des composantes nutritives de la viande qui aide l'organisme à lutter contre l'anémie. Merci à Gertrude Mawenayo et à l'expert en nutrition. Place à l'actualité internationale en bref, au moins 6 morts et une quinzaine de blessés sont à déplorer dans un nouvel attentat à Mogadiscio perpétré ce dimanche. Un kamikaze a fait sauter son véhicule près d'un bâtiment officiel du centre-ville de la capitale somalienne. L'attentat a suivi en mode opératoire des plus classiques, écrit la RFI sur son site web. Un homme au volant d'un véhicule est arrivé près du bâtiment officiel de l'administration du district de Hawaldag dans le centre de Mogadiscio et les islamistes Shebab ont aussitôt revendiqué l'attaque, poursuit la RFI sur son site web. Voilà, point final donc à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Aimé Toussaint Mitebouti qui a assuré la mise en onde. Une excellente soirée à tous et à tous. Au revoir.